La vie meurtrière, chapitre 2, sixième partie. Ainsi passèrent plusieurs semaines assez remplies. Tous les trois jours, d'ailleurs, une carte de Plan-les-Dunes m'amenait le réconfort et la joie. J'en baisais la signature, car j'adorais Madame Montessac plus encore à distance, peut-être, qu'à la voir. Et puis, il faut dire aussi que le caractère de ma passion s'était, depuis le jour de notre dernière entrevue, grandement modifié. Il avait revêtu des formes apaisées. Je ne rugissais plus, j'étais confiant, certain même, non pas que je pusse m'autoriser d'aucun gage, mais parce que ma personne entière avait soif de cette femme et la voulait. J'attendais donc mon heure avec patience et dans une relative tranquillité. Le souvenir de Jeanne ternissait bien le mirage et me donnait des soubresauts. Qu'était-elle devenue? Mais, dans l'incertitude, je me plaisais aux plus favorables suppositions. Malhabile toutefois à ce jeu de duperie, j'avais beau multiplier les arguments et les forcer, je n'évitais pas toujours le remords, et l'angoisse me taraudait comme un mal sourd. Pourtant, les satisfactions que j'ai dites et le travail à quoi je m'acharnais firent que je pris assez vite le dessus. Fût-ce sécheresse aussi, ou force naturelle des choses, promptement les souvenirs durs s'estompèrent, et le doux visage lui-même et les jolis yeux se noyèrent peu à peu dans l'indistinct. De Darnac, toujours en province, je ne savais rien. Mais j'aurais eu bien mauvaise grâce à me plaindre, car c'était à mon tour de lui écrire. Je le fis donc, trop de liens nous attachés pour que je le pusse tenir plus longtemps à l'écart, et, sur quatre pages, lui narrai mon voyage à Lormeaux. Grâce à des périphrases, je parvins à tout lui dire. Emporté même par le sujet et les émotions qu'il raviva, je ne sus assez maîtriser ma plume et verser plus qu'il n'eût convenu dans la littérature. Je m'en rendis compte, la lettre expédiée, naturellement. Voici la réponse qu'il m'adressa presque au reçu. « Mon cher ami, votre lettre me stupéfie et j'en suis atterré. Rien, cependant, dans l'état de santé de monsieur votre père, ne laissait prévoir une pareille catastrophe. Comment ça s'est-il passé? Vous avez dû beaucoup souffrir, et je vous plains infiniment. Certes, la mort eût mieux valu qu'une telle déchéance. Et je me demande si ce n'est pas être deux fois votre ami de la lui souhaiter prompte. Je suis avec vous en toute sympathie, vous n'en doutez pas, et votre lettre me navre tant que l'absence me pèse et qu'il me tarde d'être à Paris pour vous serrer les mains. Qu'avez-vous dit de la mort de la pauvre Jeanne? Est-ce assez lamentable aussi? Et quelle triste fin! Je n'ai pas à vous faire son éloge, vous connaissiez la gentillesse de son cœur, et je sais qu'elle avait toute votre amitié. Nul ne la méritait plus, et je sais aussi combien fort elle vous la rendait. La navrante histoire que la sienne. J'ai bien regretté de ne pouvoir la conduire au cimetière. Au moins y étiez-vous? La malheureuse ne connaissait pas grand monde. Peut-être même y étiez-vous seule? Enfin, il faut se redire. Je devine que vous travaillez ferme, moi aussi. Je sculpte deux cariatides pour un balcon d'hôtel. Besogne de manœuvre, mais dont j'avais grand besoin. J'en ai pour un bon mois encore. Après quoi, retour à Paris. Toujours votre, Darnac. Jeanne morte? J'avais bien lu, et mes yeux ne me trompaient pas. Morte? Il était bien là, l'affreux mot, en toutes lettres, au milieu de la page, et si net, si formel et définitif, qu'à côté tout le reste semblait une buée. Morte? La douce Jeanne au rire clair était morte. Mort son sourire, mort ses cheveux, mort son parfum, morte toute. Jamais plus je ne verrai rien d'elle, il n'y avait plus de Jeanne. On imagine dans quels abîmes je sombrai. 10 fois je relus la phrase fatale, hébété, tâtant les syllabes, avec je ne sais quel espoir fou d'en rompre le sens. Je ne voulais pas, je m'insurgeais contre l'évidence. Qu'avez-vous dit de la mort de la pauvre Jeanne? C'était bien écrit noir sur blanc, et malgré qu'à les nier, mon cœur se tortura, les redoutables minuscules le perçaient chaque fois plus avant. Jeanne était morte. Et comme si l'horreur de la nouvelle n'eût pas suffi, il fallait encore que je l'apprisse incidemment, par une lettre de hasard, presque en post-scriptum. Pris dans une telle tourmente, je précipitai mes résolutions et affirmai successivement les plus hagardes volontés. Mais ni le travail, expédient sûr à l'ordinaire, ni les diverses contentions d'esprit, ni même le profil évoqué de Madame Montessac ne me furent d'aucun secours. Je connus de nouveau les pires états. Je trouvai cependant le courage d'aller un jour chez son concierge m'enquérir de l'endroit où elle reposait. On m'indiqua le cimetière Montparnasse et je m'y fis conduire. Mais, pris d'un accès de pudeur singulier, je n'osai demander au gardien la place exacte. Ce qui fit que, durant 3 quarts d'heure, j'errai parmi les sépulcres, à la fois cherchant cette fosse et la redoutant. La température était excessive. Déjà de sourds grondements annonçaient l'orage, et les piailleries d'oiseaux avaient dans les tilleuls d'encolérées et batailleuses significations. J'allais, oppressé d'une double lassitude, heurtant les tombes, tandis qu'au passage mes yeux percevaient de plates épitaphes, des attributs niais, des bronzes ridicules. De temps à autre, quelques formes noires de mère ou d'épouse surgissaient, affairées à de menus jardinages, strictement limités à la surface de son mort. Ailleurs, des voisines s'entraidaient, se passant des conseils ou l'arrosoir. Je vis 2 vieilles, dont le deuil balayait la poussière, unir ce qui leur restait de force branlante, pour dépoter un laurier sec. Si aigus qu'ils fussent, de tels détails ne pouvaient suffire à fausser mes pensées, et je déambulais toujours, au hasard, quand un détour me mit au bord d'une clairière. C'était le terrain des inhumations fraîches. Saisi, je m'arrêtai. Jeanne gisait là. Un déclic de mon cœur m'en donnait l'assurance. Mais quelle était la sienne parmi ces tombes? Les petits monticules gris s'alignaient, tous identiques. Des fleurs du jour, des couronnes d'immortelles éclatantes, des vases ceints de papier blanc, donnaient au plus récent un faux air d'éventaire. Sur le terreau des autres, perçait déjà les pousses vertes, promesses des parterres futurs. Je fis quelques pas, cherchant des traces, et dut contourner une forte personne qui, bien plantée sur de lourdes chevilles, la jupe relevée entre les genoux, arrosait économiquement ses semis. Oxtongue, luge sur le flanc de la boîte à conserve qui lui servait d'ustensile. Elle éleva vers moi un masque suant, à la fois comique, incompréhensif et douloureux. De vieilles carcasses en fil de fer m'empêtraient. Je trébuchais sur un éclat de peau. À mon époux, portait, en caractères ornementés, une couronne en zinc d'un jaune outrecuidant. Où pouvait ce bien-être? Je scrutais les alentours, rien à droite, rien à gauche. Découragé, je fis une brusque volte-face, mais, perdant pour une seconde la notion de ces lieux, je partis d'un trop grand élan, qu'en vain et trop tard voulus-je retenir. Déjà j'écrasais un plant de marguerite. Je tentais de limiter le dommage, mais n'arrivais qu'à gâcher en plus une bordure de pensée et une cinéraire dont la tige craqua. Le pied pris, je chus en avant. Mes mains, heureusement portées, me soutinrent, et ce fut ainsi, presque agenouillé, que je lus, brodés en perles noires sur fond blanc, ces mots, Jeanne Bargueil, 19 ans. Je commençai par le plus urgent, qui était de me remettre d'aplomb, mais le fis si maladroitement que j'achevai le massacre et que plus rien ne subsista du maigre jardinet. Ensuite, je ramassai mon chapeau, et, dans l'attente d'une plus juste notion des choses, me mis à l'essuyer d'un geste rond, indéfiniment. Mais, et quoi que je fisse, l'inscription subsistait, ne permettant aucun doute. La pauvre Jeanne dormait bien là, sous ce tertre ravagé, et cet outrage de la tombe, le dernier, il avait fallu que je le lui infligeasse. Plein d'hébétude, je restais là, dans l'air massif, et, planté tout debout sur ce cadavre que j'avais fait, j'épelais ces 5 mots, comme si l'erreur était possible, espérant contre l'évidence, allant jusqu'à croire à je ne sais quelles chimériques et divines interventions. Par bonheur, le profil entrevu d'un gardien me fut un rappel. Je craignis un éclat, un scandale peut-être, et vite m'efforçai de rétablir les choses. De mes ongles, je grattai le sol, j'effaçai l'empreinte violente de mes talons, je relevai les fleurettes foulées, voulus même rajuster en son beau le cinéraire lamentable. Mais, n'y parvenant pas, coupai la branche et la posai toute droite à côté du tronc meurtri. Cela fait, je ramassai 2 ou 3 des fleurs arrachées et les glissai dans mon portefeuille. Puis, m'étant ainsi manifesté, et n'ayant plus que faire, je pris le chemin de la sortie. Mes réflexions, durant ce retour, furent ce qu'elles devaient être. Et ces quelques minutes me suffirent pour revivre en entier la douloureuse histoire et repasser les stades du calvaire. Je revis, en tranchée d'arnac, mon manuscrit sous le bras, la forme lumineuse de Jeanne, et, se détachant sur le carré de ciel, la valeur forte de ses cheveux. Je revis la séance achevée, son geste prompt, le merci souriant de ses yeux. Puis, brusquement, à mon intervention, la chute, le cri, la chair fumante, et, dans l'ombre du fond, le corps tout blanc sur le canapé rouge. ensuite l'hôpital, les nuits d'angoisse et les terreurs et les visites meurtrières. On me l'avait prédit que je mourrais tué par un brin. Délabré, je levai les yeux, quêtant à la nature un réconfort. Le ciel était intensément bleu, la chaleur immobile. Au loin, par-dessus les toits et les murs, un long tuyau d'usine envoyait, régulier comme un fumeur, ses petits jets de vapeur sitôt dissous. Sur le boulevard, un tramway cornait son désespoir. J'allais quitter le cimetière quand une soudaine vision me rejeta dans l'ombre d'un cyprès. Hésitant entre les trottoirs, égarant de son mieux le pot de cyclamène qu'elle enserrait de ses deux bras, je reconnus la mère de Jeanne. Et, telle que je l'avais vue jadis au chevet de la blessée, dans le même deuil étriqué de veuve pauvre, elle passa sans se douter de ma présence. Je suivis, jusqu'à ce qu'il disparût au contour, ce maigre dos où les omoplates saillaient. Son profil, à l'instant qu'il m'apparut, érigea celui de Jeanne, malgré la flétrissure. Je discernai ses yeux attentifs au chaos du chemin, luisant quand même d'un plaisir de maman qui va faire une bonne surprise à sa petite fille. Pauvre mère et pauvre petite moitié de sourire, hélas, je vous avais devancé. La soirée finit au plus mal, car, bien que tout l'eût fait supposer prochain, aucun orage ne vint soulager l'atmosphère. Jusque tard dans la nuit, j'errai de taverne en taverne, et les piètres ratiocinations que je tentais en cet état m'achevèrent bientôt. Et cela, non pas que je luttasse, oh non. J'étais bien trop conscient d'un tel cercle de fatalité, mais j'aurais voulu comprendre et savoir le pourquoi. Oui, pourquoi? Pourquoi? Quelle féroce destinée commandait donc ma vie? Et d'où venaient toutes ces lois de carnage et de sang? Quel virus m'infectait? Et de quelles hérédités maléfiques étais-je l'instrument? Hérédité. Le mot m'accrocha au passage, et voilà qu'instantanément surgit en son relief la silhouette obscène de Mériol. La sueur me coula du front, car jamais je n'évoquais mon père de la sorte. Et, sitôt plantée, l'affreuse hantise me posséda. Plus rien, dès lors, ne me put ôter la certitude que la démence qui me poussait à travers le monde comme une calamité, et celle qui s'éteignait sous les verrous du cabanon, étaient des tares qui portaient le sceau de la même origine. À quelle ascendance faire remonter le poids initial d'un tel héritage, je ne me risquais point à le chercher. Mais, dépositaire actuel et propagateur du fléau, je sévissais dans la forme à moi dévolue par d'impénétrables secrets. Après quoi je le transmettrais à mes descendants, afin que par leurs soins et à perpétuité, les gens de mon nom puissent poursuivre leur besogne. Voilà qui était clair, net, évident. Je dus beaucoup boire pour formuler ce constat, plus encore, après, pour l'oublier. De pareils égarements m'étaient ordinaires. On peut même dire que ma vie en était tissée. Mais cette fois-ci passa la mesure. Aucune de mes ressources habituelles n'y fut efficace, et pourtant je les épuisais toutes. Les mots affectueux de Madame Montessac, et l'annonce de son retour purent à peine me distraire. Déjà je sentais se faner la pure fleur, et la joie que j'ébauchais portait son vert en elle. Oppressé par mon cauchemar, je n'augurais plus que le mal. J'avais peur de la voir, ayant peur que ma tendresse la tue à son tour. Cependant, si forte était ma passion, qu'au soir de son arrivée, je sonnai avenue de l'observatoire. Malgré le fouillis du déballage, elle eut la gentillesse de me recevoir, et sa vue fit ruisseler en moi la paix et le bien-être. Je ne restai chez elle qu'un instant, mais cela suffit pour que mes nerfs se détendissent. Ils se détendirent avec excès, et je parlai sans cohérence, jusqu'à ce que, doucement, elle me poussa vers l'escalier. Je rentrai, la main tiède encore de la sienne, et n'osant respirer tout mon souffle, crainte de perdre ce que j'emportais de son parfum. Je la revis peu après, et pus lui narrer mes malheurs tout à l'aise. Ses beaux yeux s'humectèrent au récit que je lui composais, et j'y vis la marque d'un avantage que je ne craignis pas de pousser à sa limite. J'étalai l'état de mon cœur, mon désespoir et l'effroi de ma solitude en termes véhéments. Je peignis mon voyage à l'ormeau et racontai la dure après-midi du cimetière avec de tels mots que j'y fus pris, m'émus et dus tirer mon mouchoir à mon tour. Madame Montessac compatit à tout et fut prodigue de bonté. Je mis littéralement sa tendresse au pillage. Mais, quelque abus que j'en fisse, elle y trouva encore de quoi répondre. Nous passâmes donc un long temps à nous épancher, moi plutôt, car je ne la laissais guère ouvrir la bouche que pour me plaindre. Ainsi devisant, le soir fut bientôt là. L'heure venue, j'esquissai ma retraite, mais ne la poussai pas loin, car Madame Montessac me retint à dîner, et je n'attendis pas qu'elle me violentât. Nous finîmes la soirée sous la lampe, et son mari, d'humeur parfaite, endormit ce qui subsistait de mes remords par l'éloge excessif de mon talent. Ouatée de ce côté, la vie reprit assez vite son cours. J'avais d'autre part avec Danval de fréquents conciliabules dont rien ne ressortait de particulièrement désagréable. L'éventualité de compléter mon travail sur le XIIe siècle par une histoire générale de la sculpture française fut discutée et, en principe, résolue. L'idée d'un travail d'aussi longue haleine me mit la cervelle en ébullition. Et je pris l'usage de moins songer à mes malheurs qu'à mes affaires, et d'envisager l'avenir préférablement au passé. Dire que tout marchait sans accroc serait exagéré. J'étais trop fertile en défaillance pour ne pas choir à toute minute. Mais ces états duraient de moins en moins. Je fus bientôt étonnée du nombre et de la qualité des raisons que l'égoïsme me suggéra de ne m'y point appesantir. Les plus avouables furent celles que je viens de dire. Mais, si délicatement attentionnée que fût Madame Montessac, le platonisme de nos relations commençait à me peser. J'étais en pleine force d'homme, et toutes ces bagatelles, encore qu'innocente, me valait des retours bouillonnants. Je luttais, cela va sans dire, mais la sagesse n'étant pas mon fort, je n'arrivais à rien de fameux. Nous nous voyions deux fois la semaine, jour béni. Entre-temps, j'avais loisir de m'exalter, et pas une fois, je crois bien, je ne montais l'étage sans volonté formelle d'aboutir. Sitôt assis, j'amorçais mon plan, mais 5 minutes n'étaient pas écoulées qu'il me fallait changer de ton. Certains gestes de certains petits doigts avaient beau jeu de mes rodomontades. Vite le coq se faisait suppliant. Au plus arrivais-je à bégayer des aveux si bien faits pour être clamés. À pareille déconfiture, on n'était pas inexorable, et j'obtenais sans peine mon pardon. Parfois même le droit de baiser une main radoucie, et, riche de ses miettes, je réintégrais tout fier mon logement. Je n'y recouvrais mes moyens qu'à ma table, et là seulement trouvais les mots qu'il eût fallu. J'en étais quitte pour me les dire à moi-même, et, plus charitable que mon ami, me convainquait du premier coup. Il n'en est pas moins vrai que, fort de mon demi-succès antérieur, je crus pouvoir oser un nouvel essai de persuasion directe. La minute prêtée, et des propos languissants semblaient l'augure de quelque défaillance. Je n'allais pas loin, et bien mal m'en pris d'avoir tenté, car le rappel fut sec, et tant que je dus me rasseoir assez piteux. Je ne renouvelai pas, et me tins quoi, si bien qu'après diverses agitations, je finis par me résigner à ce rôle provisoire d'amant in partibus. Faute donc de les savoir conduire, je dus remettre le soin de mes affaires à la Providence, me contentant de soupirer. Plus tard, par dépit, j'essayai de transposer et de voir la situation sous un angle plus flatteur. Je m'y courbaturai, mais, malgré que je l'ornasse des considérants les plus choisis, il ne s'en dégagea rien de bien glorieux pour ma superbe. Ce nouveau résultat, après tant d'autres, n'était pas pour donner matière à des élans. Là encore, mon passé me servit. Je n'avais, pour légitimer une telle malchance, qu'à y plonger et tirer au tas. Vidal, Hubertin, Musso, Jeanne, mon père, exhumés à l'instant qu'il fallait, m'offrirent leur secours. Grâce à eux, je pus couvrir mon échec d'un fallacieux masque de prudence, et fit tant que je ne tardais pas à juger très délicat mon renoncement obligatoire et ma posture non sans grandeur. Pour le surplus, de rapides séances en ces endroits dont j'ai parlé parachevèrent l'équilibre. J'écris ceci après coup, à la veille d'une mort décidée, et je donne ces explications dans la forme où elles m'apparaissent et pour ce qu'elles valent, mais il se peut bien qu'à telle raison, si péniblement établie, en soient mêlées d'autres, plus indépendantes de moi. Fussent-elles des meilleures, toutes les vérités ne font pas la vérité. Plus juste peut-être serait-il de simplement dire « J'étais un très pauvre garçon ». Que la cause fût ici ou là, je n'en souffrais pas moins dans toute ma personne, et de si maigres palliatifs n'y changeais guère. En plus, jaloux, comme si l'on m'eût donné des droits, je montais à l'entour de ce cœur une garde oppressive. On en voit l'effet. Combien de fois partis-je, étranglé d'avoir entendu ses lèvres prononcer tel nom. Mes soupçons n'épargnaient personne. Un jour, ce fut d'arnaque, dont on semblait regretter trop vivement l'absence. Je le détestais 24 heures. Puis ma haine le quitta pour se poser sur un autre, et ainsi de suite, voletant au hasard, de tête en tête, et sur les gens les plus dissemblables. Au moindre indice, mon imagination formait des chimères ridicules. J'en vins à suspecter Gessen, l'huileux Gessen. Rien que de l'avoir un tantôt croisé dans le couloir. Enfin, pourquoi ne pas vouloir m'aimer? Lui disais-je. Ne vous suis-je pas fidèlement attaché? Mes sentiments n'ont-ils pas fait leur preuve? Et pouvez-vous, depuis ce soir que je vous connus et aimais, leur reprocher la moindre faiblesse? Oui, sans doute, mon contact fut parfois rude, je vous ai froissé, mais vous êtes trop fine pour ne pas y avoir discerné le témoignage même de ma passion. D'ailleurs, n'ai-je pas souffert aussi, et durement? Voyez, ma vie, tout y est deuil et cruauté. Vous seul y pourriez être l'élément de tendresse et la douceur. Faudra-t-il donc, après le reste, renoncer à cet espoir, le meilleur? Et sera-ce vous qui m'imposerez la pire des infortunes? La pauvre femme répondait de son mieux et s'efforçait à me calmer. J'y tâchais aussi, mais, tous deux malhabiles, la gêne entrecoupait nos paroles et leur donnait un accent faux. Si ardent que je les voulusse, j'osais mal risquer des aveux qu'à peine exprimés j'eusse repris, tant était grande ma peur qu'elle s'en formalisât. De son côté, forte de toute sa belle volonté d'honnête femme, mais craintive non moins de me peiner, elle mettait à ses défenses de telles hésitations que je n'en perdais courage qu'à demi. Nous restions donc l'un en face de l'autre, mais le cœur errant dans ce territoire inaccoutumé de l'amour, et, semblables à deux escrimeurs novices, nous portant à regret des coups incertains. Moi, maladroit à l'attaque, autant qu'elle dans la riposte. Toutefois, rien n'étant que par relativité, j'en vins à me contenter de si peu que, bientôt, loin d'ambitionner plus, il me suffit de ne pas perdre. Je ne renonçais à aucune de mes espérances, bien entendu, et restais candidat fermement. Mais l'échéance semblait si lointaine et douteuse que je ne la supputais plus. Je me satisfis donc à tout petit gain, au jour le jour, et bien heureux du peu qu'on me donnait. Et puis j'étais si peu gâté, j'avais si fort marqué ma trace et saccagé mes alentours, que ne plus nuire était déjà presque un succès. En ceci, comme en tout, je subissais la destinée et suivais ma pente. N'est-ce pas d'ailleurs le cas de chacun? Et vaut-il la peine de s'appesantir? La saison passa. Ma vie avait sa forme et j'y semblais définitivement pliée. J'en avais fait deux parts, l'une consacrée à mon amie, que je continuais à voir chez elle à date fixe, l'autre à la mise sur pied de mon volume qui parut au cours de l'hiver. Ce ne fut pas une mince émotion de le voir surgir aux librairies. Je choisis entre 10 l'exemplaire le plus net et courus le lui porter. Elle me le prit des mains avec retenue et comme s'il s'agissait d'un objet précieux. Mais, si chaleureux que fussent ses éloges, la flamme de son regard et la sorte d'orgueil que j'y crus lire me récompensèrent bien autrement. « Vous possédiez déjà la moitié de ma vie, lui dis-je, et voici que je vous apporte la seconde. Maintenant vous avez tout. » Elle crut s'en tirer par un badinage. « Oh, ça, c'est un compliment préparé dans l'escalier, J'ouvris le livre et lui montrai sur le verso du faux titre le signe de justification. Voyez-vous ? Quoi ? Ce petit dessin. On dirait une grappe de raisin. C'est une glycine. Bah ! Votre glycine du premier soir, vous vous souvenez ? Je l'ai dessinée moi-même et tout seul. Montrez que je regarde. J'ai fait 11 décalques. Elle est tout à fait bien. Je voulais qu'un peu de vous figurât dans mon œuvre. Et comme je ne pouvais pas vous y nommer, j'ai mis cette fleur. Elle leva vers moi ses larges yeux suppliants et doux, pressentant quelque fol aveu. Et soyez sûr aussi que pas une fois le mot « beauté » n'est venu sous ma plume sans que votre visage surgît. C'était à chaque page, tenez. Feuilletant le volume, je lui fis voir, au cours des phrases, combien souvent il revenait. Là, là, et là, et là encore, et ici. « Et là ?» dit-elle à son tour, moqueuse et soulignant du doigt. Je lus. Le caractère grotesque et franchement laid que nous trouvons à certains morceaux de cette époque, vous pensiez aussi à moi ? Ça, je l'écrivais les jours où je revenais de chez vous, bien triste. Vous vous vengiez ? Non, je pensais à ma peine. La preuve. Et je continuai. Le caractère grotesque et franchement laid que nous trouvons à certains morceaux de cette époque ne peut être sainement jugé par nos moyens actuels de critique. Il y a des considérations de lieu et de temps dont on doit tenir compte. Et nous sommes mal outillés au XXe siècle pour définir les mobiles profonds de ces âmes moyenâgeuses. Qui sait si, étant donné sa foi symbolique, l'auteur anonyme ne croyait pas devoir exprimer ainsi ses concepts intimes. Et, par des expressions qui souvent nous choquent et nous déroutent, marquaient dans la pierre des cathédrales ce qu'on est convenu d'appeler, de nos jours, un état d'âme. Vous voyez, un état d'âme. Oh, vous, vous aurez toujours le dernier mot. Elle éclata de rire et ferma le volume. Nous finîmes la journée et, comme j'y comptais bien, dînâmes à nous trois. Au dessert, Montessac fit sauter un bouchon et tonitrua les paradoxes les plus échevelés jusqu'à ce que, 10 heures sonnant, le timbre de la pendule le fît sursauter. Pestant alors de s'être laissé mettre en retard, il se rua sur son pardessus et courut à un de ses fameux rendez-vous qui lui empoisonnait l'existence. D'affaires, prétendit-il. Je crus bon de laisser reposer Madame Montessac, qui se sentait fatiguée, et le suivit de près. Je n'étais pas fâchée non plus de feuilleter mon livre chez moi, tout seul, en égoïste. Ainsi fis-je, et j'en prolongeai déraisonnablement la volupté. Vint ensuite une période assez longue, exempte d'intérêt parce que remplie. J'en parlerai le temps de la mentionner. Aussi bien l'heure est-elle venue de hâter ce récit. Danval m'avait fait la commande de l'histoire générale de la sculpture française et, par traité, je m'étais engagé à l'écrire en 12 mois. Il s'agissait de ne pas traîner. Aussi, sans perdre une minute, me mis-je à réunir les premiers matériaux. Plus que jamais, on me vit dans les bibliothèques. Et plus que jamais, documents et photographies d'affluer. Je me jetai dans ce travail et m'y absorbai si complètement que je ne tardai pas à contracter l'état professionnel de l'écrivain. Mon épaule gauche, exhaussée par l'usage de lire et d'écrire accoudée, se mit à saillir exagérément. À force de compiler des textes parfois mal imprimés, ma vue devint mauvaise. Je dus faire emploi de verre, et mon front se rida de deux plis verticaux et profonds, dont la trace ne passa plus. Dans la rue, je marchais pesamment, tête basse. Et lorsque le hasard m'arrêtait auprès de quelques boutiques ornées de glace, j'y discernais un être grisâtre et sans ligne, en qui je n'étais pas fier de me reconnaître. J'avais réservé la primeur de cet ouvrage au Parthénon, de sorte que je touchais de deux côtés. Mes affaires se présentaient au mieux, je pus commencer à faire des économies. Je n'ai pas dit, je crois, que Darnac, dont j'attendais la rentrée en octobre, m'avait, dans une deuxième lettre, annoncé que, chargé de plus de travaux qu'il n'en pouvait faire, il se voyait forcé de prolonger son séjour sine die. Je crois aussi que l'état de sa mère, âgée et malade, fut pour beaucoup dans sa détermination. Il me semble tout au moins qu'il y fit allusion. Mais, quel que fût le vrai motif, j'acceptai la nouvelle sans déplaisir. Mes habitudes et mon existence s'y remplit, d'une part, de l'autre, la peur de rien laisser transparaître de mon rêve sentimental me retinrent de déplorer cet éloignement. Et puis Darnac m'imposait, et de toujours. Je craignais sa critique, et certains de ses airs me mettaient mal à l'aise. Bref, me sentant la conscience un peu lourde, assez bassement je préférais sentir le juge à distance. En me demandant l'histoire générale de la sculpture française, Danval m'avait marqué son désir d'éditer un ouvrage d'accès facile et de vulgarisation. Et les raisons qu'il me donna furent excellentes. Mais, si exigu qu'en dut être le format, il n'en fallait pas moins de la matière, et beaucoup. Paris et ses musées m'offraient un champ considérable, je l'exploitai. Mais dus néanmoins effectuer quelques déplacements en province. Ce fut le côté désagréable de l'affaire, car deux jours sans voir Madame Montessac était une épreuve au-dessus de mes moyens. Je limitai donc mes absences au strict, et ne fis que des courses hâtives, au retour desquelles je me précipitai avenue de l'Observatoire. Cependant, un voyage à Nancy s'imposait. Il y avait là certains morceaux du XVIe siècle, l'aile restante du palais ducal, entre autres, qu'il importait que je visse. Trois jours n'étaient pas trop, surtout si je poussais ma pointe jusqu'à Metz. Je l'ai pris, mais quelle ne fut pas ma stupeur de trouver, au retour, une dépêche m'annonçant la mort de mon père et son enterrement pour l'avant-veille. La douleur que je ressentis fut moindre de la nouvelle même que du stupide contretemps qui m'en avait fait manquer la réception. On en devine les motifs. D'apprendre la fin de ses peines me fut une délivrance, comme à lui. Mais, à l'idée que l'ultime consolation de le conduire au cimetière m'était ravie, je retombai dans le plus noir découragement. Trop évidente était l'origine de ce surcroît d'infortune, et je ne m'y trompais pas. S'il m'arrivait parfois d'oublier le destin et de m'en distraire, lui, par contre, ne me lâchait pas. Mon père enterré, je n'avais que faire dans cette ville de malheur. Je réglai donc par correspondance les détails de la succession. Et j'appris ainsi du notaire que, tout compte fait, Il me reviendrait environ 9 000 francs de rente. C'était un denier. À l'aise, dès lors, je pus négliger les toujours irritantes questions pécuniaires. Mes revenus doublés, mon autorité s'accrut, et Danval l'éprouva, sitôt qu'au cours de nos discussions, je pus lui parler du haut d'une somme. Mon nom commençait à se répandre. Une maison d'Allemagne demanda l'autorisation de traduire l'histoire de la sculpture française au XIIe siècle et l'obtint. D'autres témoignages non moins flatteurs me vinrent et des côtés les plus divers. J'y crus voir le présage d'un avenir souriant et, rajeuni par cette brise, réorientai ma barque et fit voile de nouveau.